Le brave gamin ne dit mot, mais il s'achemina tout doucement vers la porte de Clichy. Courapier ne pouvait pas moins faire que de suivre l'exemple donné par son fils. Il rendit la main à Vigoureux, qu'il avait eu beaucoup de peine à retenir pendant cette courte conférence, et Camille marcha à son côté. Ils franchirent la barrière gardée par deux commis qui les regardèrent beaucoup et qui, sans doute, ne les auraient pas laissés passer, en sens inverse sans exiger qu'on ouvrît la cassette, car on a vu plus d'une fois des chiens porter de la contrebande. Mais il s'agissait de sortir de Paris, et les liquides ne payent qu'à l'entrée. Les gens de l'octroi n'avaient rien à dire. « Sommes-nous maintenant sur cette terrible route de la révolte ?» demanda mademoiselle Monistrol quand ils eurent franchi la porte. « Non, mademoiselle, répondit Courapier, émerveillé du sang-froid de sa protectrice. Nous allons y arriver. Elle est là, devant nous, mais ici, c'est encore l'avenue de Clichy. Et ses cabanes des deux côtés servent de domicile aux joueurs d'orgue et aux montreurs de singes qui travaillent dans les rues. Pas de danger que Zigzag se soit remisé là. Il y en a là-dedans qu'il a rencontré dans nos tournées, et il ne tient pas à être reconnu. Aussi, vous voyez que Vigoureux ne s'y arrête pas. » Vigoureux, en effet, continuait à tirer de toutes ses forces, et 5 minutes après, le groupe des chasseurs d'hommes déboucha dans un carrefour triangulaire, formé par l'intersection de l'avenue de Clichy avec la route malfamée. « Nous y sommes, » dit à demi-voix Courapier. Courapier parlait bas, comme s'il eût craint d'être entendu, et cependant le carrefour était désert. Mademoiselle Monistrol regarda autour d'elle, et à la lueur des becs de gaz beaucoup trop espacés, elle vit une large route qui s'étendait à droite et à gauche. L'aspect n'avait rien d'extraordinaire. C'était ce qu'on appelle en langage administratif un chemin de grande communication, comme il y en a par toute la France, y compris le département de la Seine. C'est pourtant une voie sinistre, et le vieux saltimbanque n'avait point exagéré la triste réputation que lui ont acquise les nombreux crimes commis dans ces parages. Son nom même lui vient, dit-on, d'une révolte des gardes françaises, au camp des Sablons. Son nom presque menaçant semble l'avoir prédestiné à servir de théâtre à des scènes sanglantes. Elle commence au rond-point de la Porte Maillot, et c'est précisément là que le duc d'Orléans mourut, à 30 ans, d'une chute de voiture. Elle traverse Neuilly, elle pénètre dans Paris, elle en sort un peu plus loin et s'allonge dans la plaine de Clichy, après avoir coupé, à angle droit, la route d'Asnières. Là, elle entre en plein pays de Bohême. Elle passe d'abord sur le territoire des chiffonniers qui campent à la Belle Étoile, où peu s'en faut et se nourrissent dans des gargots, où on leur sert des aliments sans nom et des boissons au vitriol. Ce n'est rien encore. Les chiffonniers sont presque tous de braves gens, qui travaillent la nuit et qui dorment le jour. Mais la route arrive à Clichy, en passant sous la voûte du chemin de fer de l'Ouest, un vrai souterrain, où on peut assommer un homme sans craindre d'être dérangé pendant l'opération. À droite s'étendent des terrains vagues, où viennent dormir les vagabonds et les malfaiteurs. Puis viennent des ruelles fangeuses, des impasses sombres, des passages qui sont des coupe-gorges, et la cité du soleil, ainsi nommée, parce qu'elle est entourée d'une ceinture de tournesol, car le soleil ne s'y montre guère. Et ce n'est pas fini. Plus il s'étend, plus ce chemin maudit s'enfonce dans l'horrible. Au-delà du carrefour où s'étaient arrêtés Camille Monistrol et ses auxiliaires, il y a d'autres repères échelonnés des deux côtés. Chaque rue rappelle un souvenir judiciaire. Le sang y a coulé. Et c'était dans cette direction que l'horrible dog cherchait à entraîner Courapier. « Allons, » murmura le pauvre pitre, résigné à tout. « Zigzag est probablement caché dans la cité Foucault. Nous ne pouvons pas plus mal tomber. Sur 100 locataires de la femme en culotte, il y en a 80 qui sortent de Mazas. Marchons, dit résolument Camille. Il fallut obéir. Seulement, elle se renseigna tout en cheminant. Et Courapier lui apprit que la femme en culotte était une demoiselle qui administrait, en costume masculin, cette cité bizarre, qu'elle ne craignait pas de prendre col à des récalcitrants, et qu'elle ne se gênait pas pour démonter les portes de leur chambre quand ils s'obstinaient à ne pas payer. On arriva bientôt à la hauteur de cet assemblage de baraques, construites toutes sur un modèle unique. C'est une longue suite de rez-de-chaussée surmontée d'un étage avec balcon de bois. Tout le monde dormait dans la cité, ou du moins on n'y entendait aucun bruit. Et ce silence était rassurant. Mais en face et de l'autre côté de la route s'élevait une grande maison blanche où l'on vendait à boire et à manger, comme l'indiquait une énorme enseigne peinte par un artiste inconnu, un vrai tableau, représentant au premier plan une immense casserole. Autour de cette casserole, un prêtre, un bedeau, un enfant de cœur et un croque-mort. Tout le personnel d'un enterrement. Au fond, dans un lointain vague, de longues files de lapins, accourant sur 2 rangs pour se précipiter dans le bassin de cuivre, où ils vont passer de vie à gibelotte. Au-dessus de cette toile fantaisiste s'étalait en gros caractères l'inscription « Au tombeau des lapins ». Inscription qui avait beaucoup contribué à la renommée de l'établissement. Le tombeau des lapins était connu dans tous les mondes, à ce point que l'élégant Alfred de Fresnay le citait à la comtesse de Lugo, comme une des curiosités du Paris marginal. Ce soir-là, on y menait grand tapage, et toute la vie du quartier semblait s'être concentrée dans la salle basse, brillamment éclairée, au-dedans et même au-dehors, car une énorme lanterne se balançait, suspendue au-dessus de l'enseigne. On criait, on se disputait, on chantait à tue-tête des refrains orduriers, et la compagnie devait être nombreuse, à en juger par le vacarme qu'elle faisait. « Est-ce là ?» demanda Camille, en voyant que Vigoureux s'arrêtait devant la façade du cabaret et levait le nez en l'air pour prendre le vent. Mais le chien, après avoir flairé pendant quelques secondes, secoua la tête et se remit à traîner court à pied, qui répondit « Non, mademoiselle, le père Villard qui tient la maison ne loge pas à la nuit. Zigzag ne trouverait pas à coucher ici. J'aime autant ça. Il y a trop de monde dans la cambuse, et si nous y entrions, les pochards nous tomberaient dessus. » Et le pitre défroqué ajouta, après un instant de réflexion, « Ça se pourrait bien tout de même que le gueux y soit venu ce soir. » Vigoureux l'a senti, car il a marqué l'arrêt. « Alors son maître ne doit pas être loin, » dit Camille. « Avançons. Il n'y a plus devant nous que le quartier des Épinettes, et s'il y est, je m'étonne que le chien ne nous y ait pas mené par la porte de Saint-Ouen. C'est le plus court chemin. Il a pris le chemin par lequel Zigzag a passé. » Oui, il le suit à la piste, nous sommes sûrs de ne pas le manquer. Mais savoir comment ça finira. Mademoiselle Monistrol ne releva pas cette phrase restrictive qui ne lui apprenait rien de nouveau, car elle savait parfaitement que le mari d'Amanda n'était pas tranquille sur l'issue de l'expédition. Mais elle savait aussi qu'il ne l'abandonnerait pas, et ce n'était plus le moment de discuter les chances de l'entreprise. Ils continuèrent à cheminer en groupe serré derrière Vigoureux, qui se démenait de plus en plus, parce qu'il approchait du but, et ils passèrent devant d'autres ruelles à peine éclairées par quelques réverbères à l'huile. Un peu plus loin, au bord de la route, se montraient çà et là des baraques faites, les unes avec des planches pourries, les autres avec des moellons volés dans des maisons en démolition. De vraies huttes de sauvages, construites par des civilisés, car il y en avait deux ou trois pour lesquelles on avait employé d'autres matériaux que des boîtes à sardines, bourrées de terre, empilées avec un certain art, et cimentées avec du plâtre. Il ne paraissait pas qu'elles fussent habitées, car on n'y voyait pas briller la moindre lumière. Du reste, le chien tirait toujours, et au-delà de ses bicoques, on n'apercevait plus que des champs incultes. « Ah ça !» dit entre ses dents court à pied, « est-ce qu'il va nous mener à Saint-Denis ? Nous y arriverions demain matin. » Tout à coup, Vigoureux fit un bond à gauche, un bond si violent qu'il faillit rompre la corde, et après le bond un crochet qui jeta court à pied hors de la route. La route à cet endroit se trouvait de plein pied avec les terrains plats qu'elle traversait, et elle n'en était séparée que par un fossé. Pas beaucoup plus profond qu'un sillon de labourage. Court à pied, entraîné par le chien, franchit ce creux sans presque s'en apercevoir, et se trouva dans un champ pierreux où l'herbe poussait à peine. Camille et Georgette s'empressèrent de l'y suivre, et là on tint conseil, encore une fois, en dépit des sauts furibonds de Vigoureux, qui brisaient les poignets du pauvre mari d'Amanda. Il fallait avant tout s'orienter, et ce n'était pas très facile par une nuit sans lune. À droite, de l'autre côté de la route, la butte Montmartre se dessinait comme une énorme bosse sur l'horizon embrumé. En arrière, des points lumineux piquaient les ténèbres, les uns immobiles et assez rapprochés, les autres s'agitant dans le lointain comme des feux follets. Ici les lanternes de la cité Foucault, et là-bas les falots des chiffonniers, qui commencent leur tournée, murmura court à pied. « Mais devant nous ?» demanda mademoiselle Monistrol. « Devant nous, c'est la plaine Saint-Denis, et à moins que Zigzag ne soit jeté dans un puits de carrière, « je ne comprends pas où ce chien veut nous mener. »« Père, » dit Georget, « il me semble que je vois une maison, à 200 pas d'ici, un peu sur la gauche. »« Tu as de bons yeux, toi, je ne vois rien. »« Moi, j'aperçois quelque chose, » dit Camille, « mais je ne distingue pas très bien si c'est une maison ou un tertre. »« Dans tous les cas, c'est là que le chien veut aller. Laissez le faire. »« Je ne demande pas mieux, car je n'en peux plus. »« La corde me coupe les doigts, mais si nous le suivons, Dieu sait où il va nous mener. »« Encore si on était sûr que c'est à une maison. » Mais ces terrains-là sont pleins de trous. Il a trop d'instinct pour y tomber, et il nous servira à les éviter. Nous n'avons qu'à marcher derrière lui, un à un. La jeune fille avait réponse à tout, et court à pied se résigna, d'assez mauvaise grâce, à exécuter la manœuvre qu'elle lui indiquait. Il suivit Vigoureux, et il lui eût été difficile de faire autrement, à moins de le lâcher, car il n'était pas de force à lui résister. Georget venait après son père, et Camille après Georget. C'était la file indienne, et cet ordre de marche convenait parfaitement à des gens qui tenaient à surprendre un ennemi au gîte. car ainsi rangés, ils n'étaient qu'un point, presque invisible dans cette vaste plaine, et ils avaient des chances d'arriver jusqu'à la maison sans qu'on signalât leur approche. À 100 mètres de leur point de départ, ils rencontrèrent un gros tas de pierres qu'ils n'avaient point aperçues de loin, et qui étaient cependant assez élevées pour les abriter. Courapier, toujours prudent, s'y arrêta et se mit à examiner les abords de la place. C'était bien une maison, mais une maison en ruine. Le toit s'était effondré, et de deux cheminées qui surplombaient autrefois cette bâtisse, il n'en restait qu'une debout. L'autre, en s'écroulant, avait couvert le sol de débris amoncelés. Cependant, il y avait encore des volets aux fenêtres, et les quatre murs paraissaient solides. Peut-être n'entourait-il qu'un espace vide, car aucune clôture ne protégeait extérieurement ces restes d'une villa abandonnée. Qui l'avait détruite ? Il ne paraissait pas que ce fût un incendie, car elle était construite en briques rouges, qui avaient conservé leur couleur. Ce n'était pas non plus le canon, car on ne s'est pas battu là pendant le siège. Courapier s'inquiétait fort peu de le savoir. Il se demandait si sa femme et l'odieux et Zigzag étaient venus se cacher parmi ces décombres, et il hésitait à le croire, quoique Vigoureux persistât énergiquement à l'y conduire malgré lui. Mais quoi qu'il en fût, les deux coupables ne pouvaient avoir trouvé là qu'un refuge provisoire. Et ceux qui viendraient les y déranger devaient s'attendre à être mal reçus. « Eh bien, qu'attendez-vous ? » lui dit tout bas mademoiselle Monistrol. « Je n'attends pas, » murmura Courapier. « Je pense que nous n'avons plus qu'à nous en retourner, car ce sera une folie que d'entrer là-dedans, cette nuit. En plein jour, je ne dis pas, mais... »« Demain, ce misérable aura dégarpi. Je veux en finir. Rien ne prouve d'ailleurs qu'il est là. Et je vais m'en assurer. » « Qui m'aime me suivre ?» ajouta Camille en quittant le tas de pierres qui l'abritait et en se dirigeant résolument vers la maison. Georges s'élança et la dépassa en un clin d'œil. Courapier n'osa pas rester en arrière et céda aux efforts de Vigoureux qui le traînaient. Ils n'avaient guère que 50 pas à faire pour arriver devant la façade mystérieuse et quand ils y furent, ils s'arrêtèrent encore, mais cette fois d'un commun accord. Camille elle-même sentait la nécessité d'examiner l'édifice avant d'aller plus loin. Que Zigzag fût là, ce n'était plus douteux. Le chien se dressait sur ses pattes de derrière et faisait des efforts inouïs pour rompre le lien qui l'enchaînait. Il essayait aussi d'aboyer, et la courroie s'étant un peu relâchée, il réussissait à pousser des grognements qu'on aurait pu entendre d'assez loin. Mais où se tenait l'odieux clown au pouce crochu, derrière le mur ou dans quelque cave creusée dans les ruines, et comment l'aborder ? Au milieu de la façade, on voyait une ouverture béante, l'entrée d'un corridor sombre dont la porte avait disparu. Mais ce chemin n'était pas engageant. « Faisons le tour, mademoiselle, » dit tout bas Courapier. « Nous trouverons peut-être mieux. »« Père, il y a de la lumière, » souffla Georget en montrant une des fenêtres du rez-de-chaussée. Camille regarda et vit qu'un mince filet de clarté filtrait entre les volets mal joints. Il y avait donc là une chambre habitable, et Zigzag s'y était installé. Elle le tenait enfin, et rien ne l'empêchait de le forcer à se montrer. Elle verrait son visage, ses mains... s'il se présentait à la fenêtre, tenant le flambeau qu'il l'éclairait, et après... Après, elle monterait à l'assaut de son repère, et le pistolet au poing, elle le forcerait à se laisser lier par Courapier. C'était absurde, c'était extravagant. Mais Camille ne raisonnait plus. Le sang lui montait à la tête, et elle voyait rouge. Sans hésiter, sans avertir Courapier, elle tira son revolver de sa poche, l'arma, se baissa, ramassa une poignée de cailloux, et la lança dans les volets. La lumière s'éteignit aussitôt et Camille comprit enfin que l'idée qui l'avait poussée à s'annoncer ainsi n'avait pas l'ombre du sens commun. Car en admettant que Zigzag vint à la fenêtre au lieu de s'enfuir, elle n'apercevrait pas ses mains dans l'obscurité.